Chapitre 17e. Geneviève. Les années passèrent, la vie s'écoula, entraînant chacun vers son destin. Zigomar, ici toujours le comte Armand de Saint-Rion, et en même temps Clotho, sous d'autres masques, dans diverses incarnations, poursuivait le cours de ces retentissants exploits qu'ailleurs nous racontons. L'infortuné bouche en cœur, l'illustre Perpignan, dont la soif de vengeance augmente sans cesse, est absolument désorienté depuis la fuite de Chiffon. Son ami Clotho, son fidèle Alexandre, lui échappe toujours au moment où il croit le tenir. Mais, acharné, tenace, poussé par sa misère extrême et encouragé par Zélie, la belle bourbonnaise, il ne désarme pas et compte bien que son heure sonnera. Elle arrivera certainement, car Paulin Brocquet est revenu en France. Après un long séjour en Amérique, sans que la douceur de sa lune de miel se fût avec les années atténuée d'une faible lueur, rappelée par ses chefs, il revint prendre son rang parmi ceux qui combattent le crime. Paulin Brocquet n'avait pas mission de s'occuper du comte de Saint-Rion, dont la dramatique affaire était depuis longtemps classée. Mais tout en poursuivant Zigomar, en combattant le roi des Forbans, il pensait bien que fatalement, un jour viendrait où il aurait à s'intéresser à ce brillant comte Armand de Saint-Rion, qui, comme Zigomar, ici en Europe, était tout puissant, là-bas, dans la terrible Chinatown. Et Paulin Brocquet met à faire payer cher à Zigomar les heures d'angoisse et les larmes de Macedon durant la captivité de l'exquise Darling. Avant de partir, Macedon et Paulin Brocquet achetèrent une ferme dans l'ouest et y installèrent le bon Pagnose avec les chevaux, le shorty de Darling et la jolie petite famille du japonais. Pagnose et Ayamaki, la branche de glycine et le joujou Sessou, commencèrent une vie de bonne affection, bénissant les nobles cœurs à qui ils devaient leur bonheur. Un peu d'argent venait maintenant au temple des hommes à la moustache de Jacques. Mais Fernand était un bel officier, et le roman de sa vie commençait. Comme son oncle Jacques, il avait rencontré sur son chemin une fée blonde, blonde comme Madeleine, mais ce n'était pas, heureusement, une autre fée d'amour. La vieille mère d'Almaine n'était pas obligée de prier aussi pour son petit-fils, son petit gars. Cette fée blonde s'appelait Geneviève, et Geneviève était la petite-fille du père Gervais. Ils étaient heureux maintenant. Le grand-père et la jeune fille, car Paulette avait retrouvé en ce brave homme un vrai grand-père. Non plus l'époux de la belle bourbonnaise, l'illustre Perpignan, bouche en cœur, qu'elle devait en public appeler grand-père, mais comme le grand-père qu'elle avait eu à la Tilleuse, le brave père Porfilet, dont le souvenir, cependant, s'était au cours de la fièvre typhoïde effacé de sa mémoire. Paulette, qui n'était plus la misérable Chiffon, semblait être une toute autre créature de charme, de grâce, de beauté blonde, sous le nom de Geneviève. C'était une jeune fille maintenant, elle allait avoir 19 ans. Elle chérissait de tout son cœur plein de reconnaissance ce bon vieux qui l'avait arraché à sa détresse, à sa misère, qui lui faisait goûter une existence si différente de celle qu'elle endurait avec les banquistes. Le père Gervais lui avait fait voir que la vie n'était pas faite de rebuffades, d'insultes, de travaux pénibles et d'exercices dangereux, qu'elle ne comportait pas que des coups. Il lui avait appris la caresse affectueuse, le baiser paternel. Mais avant d'en arriver là, que de luttes, que de souffrances, que de peines. Par prudence, Gervais ne voulut pas demeurer dans les environs de Mantes. Il résolut de gagner Paris. À petite journée, il se dirigea vers la grande ville qui autrefois l'effrayait, mais où, depuis sa sortie de prison, il était venu plusieurs fois, où il pensait qu'il pourrait mieux qu'ailleurs trouver le moyen de vivre avec son bon petit gars. Paris est la ville où l'on peut subsister en se livrant à des métiers inconnus ou impossibles d'autre part, où tout homme industrieux, courageux, peut se tirer d'affaire. Gervais était bon à tout, savait tout faire, il se croyait sûr de réussir. Une fois à Paris, le père Gervais s'employa à toutes les besognes, même les plus dures. Il déchargea les corbeilles aux halles, le sable sur les quais, balaya les rues. Il fut camelot, ouvrit les portières, porta les panneaux des hommes sandwich. Tout lui était bon, pourvu qu'il rentrât à la maison, au Galta, avec une ou deux pièces blanches. « Pour ma fille, » disait-il, « sa fille. » En effet. Peu après l'arrivée à Paris, un grand changement s'était produit dans l'existence du vieux braconnier de Chiffon. Dès les premiers jours qu'il vécut avec celui qu'il prenait pour un garçonnet chétif, il avait été frappé par certains détails physiques qu'il n'eût pas remarqués chez un véritable petit garçon. Il était impossible de ne pas reconnaître une fillette en ce misérable garçonnet. La fillette, elle, ne pouvait, dans sa candeur extrême, faire la différence. On l'appelait Chiffon, On l'habillait en culotte. On lui disait qu'elle était un garçon. Chiffon ne pouvait pas dire le contraire. Elle ne soupçonnait pas la différence. Mais le père Gervais lui dit « Sais-tu, mon petit gars, qu'à partir de ce moment, tu n'es plus mon petit gars ?»« Oh, pourquoi ?» fit douloureusement l'enfant. « Tu vas me renvoyer, m'abandonner. »« Non, mon petit, tu n'es plus mon petit gars, parce que tu deviens ma petite fille. » Chiffon tourna vers le vieillard de grands yeux étonnés. « Moi, ta petite fille, pourquoi ?»« Parce que tu n'es pas un garçon, mais une fille. » Chiffon partit alors d'un grand éclat de rire. « En voilà un miracle » s'écria-t-elle. Mais, soudain quête, elle demanda. « Cependant, dis grand-père, fille ou garçon, tu me gardes quand même. »« Bien entendu, ma chérie. Oh, je suis heureux. »« Ou heureuse. Il faut que je m'habitue à parler comme une fille. Ce sera drôle. »« Mais alors, comment va-t-on m'appeler ? Chiffon ou chiffonne ?»« Non. Laissons cela. Il te faut un autre nom. Un vrai. Choisis. » La fillette se rappela un nom porté par une jeune fille jolie qui lui avait un jour donné une pièce d'argent. « Geneviève, » dit-elle, « je voudrais m'appeler Geneviève. »« Va pour Geneviève. » Le père Gervais n'était pas fâché de ce changement. Ainsi, en fille, maintenant, Geneviève sera moins facilement reconnue par Bouchefancœur et la belle Bourbonnaise, si le destin fatal les met encore sur mon chemin. Désormais, il habilla son petit gars en fille et le misérable chiffon devint la mignonne Geneviève. Par bonheur, il trouva à faire quelque ouvrage chez une brave femme du voisinage, couper du bois, rentrer du vin, et sut gagner les bonnes grâces de cette excellente personne qui, le voyant si âgé et si courageux, si ardent au travail, s'intéressa à lui. Le père Gerbet lui parla de sa petite fille. La bonne dame demanda à la voir. Comme tout le monde, elle fut charmée par la grâce, la gentillesse de Geneviève. Elle la prit avec elle pour les soins de son ménage de vieille petite rentière. Puis elle s'amusa à instruire. Geneviève lui apprit de nouveau à lire, lui donna même quelques notions de musique. Enfin, songeant à l'avenir, cette brave femme, après avoir discuté sur ce point avec le père Gervais, recommanda Geneviève à une parente à elle qui était employée dans un magasin de mode rue de la Paix. Là, Geneviève, surveillée, protégée, à l'abri du danger que courent les jolies modistes, pouvait apprendre un métier qui allait bien à ses petites mains, à son adresse, à son goût, métier agréable et en somme, pour plus tard, suffisamment rémunérateur. La pensée de Geneviève était prise par son travail, son métier, son art, et son cœur tout entier appartenait à son grand-père qu'elle adorait. Sa tranquillité se trouvait à l'atelier, son bonheur à la maison, dont les fenêtres ouvraient sur les vieux arbres du jardin. Vieux arbres pleins de pierrots, ses amis ailés. Il la connaissait bien. Les effrontés qui venaient dès le matin piailler à sa croisée. Boire, les audacieux, frappé du bec aux vitres quand leur ami n'apparaissait pas assez vite à leur gré. Mais voilà qu'un jour, il vint un nouveau voisin. Et ce voisin ne nicha pas sur une branche, ne se mit pas à piailler dès l'aurore à la croisée de Geneviève, ne se battit pas avec les pierrots à grands coups de bec pour une miette de pain. Ce voisin occupa un petit appartement dans la maison, au même étage, sur le même palier, que le père Gervais et Geneviève. Et ce voisin était un jeune et joli officier. Ah, ce jour-là, le père Gervais fronça fortement le sourcil. « Que diable ?» se dit-il. « Paris est cependant assez grand. Pourquoi ce militaire vient-il justement habiter auprès de nous ?» Et pendant que Geneviève faisait la distribution, lui, le père Gervais, se tenait à sa fenêtre, pipaudant, et surveillait, en roulant de gros yeux et en lançant d'énormes bouffées, voulant avoir l'air terrible. Cependant, le jeune officier, tout en regardant le tableau charmant qu'offrait la jolie fille et ses oiseaux, ne chercha point à attirer l'attention de Geneviève, à lui faire comprendre qu'il la voyait, à esquisser le moindre signe, à tenter quoi que ce fût qui pût la troubler dans son amusement. Puis, il se remettait à son travail, et quand le père Gervais et Geneviève partaient, le vieillard pouvait apercevoir le lieutenant de nouveau comme la veille, penché sur ses livres, sur ses cartes. Jamais le père Gervais ne parla de ce voisin à sa petite fille, et jamais Geneviève n'en souffla mot à son grand-père. Il semblait qu'elle ne l'eût même pas remarqué, même pas aperçu, qu'elle ne connût pas sa présence. Comme si la chose était possible, comme si une jolie fille ne se doute pas dès la première minute qu'il y a aux environs un beau garçon.